J'ai vécu dans une des villes les plus criminalisées de la province, puis dans un des blocs appartements les pires de la ville. La police était là plusieurs fois par jour. Puis j'ai vécu des années là. Mes premières vidéos, je les ai faites là. Puis il y a eu tout eu dans ce bloc-là. La porte du couloir pour aller vers mon appartement, il y avait une vitre blindée, vous savez, avec des fils de fer dedans, bien, il y avait des trous de balles dedans. Les fois où j'ai le bloc que je vous parle, les fois où j'ai dû appeler la police. Mais moi, vous savez, je ne suis pas quelqu'un de craintif. Même dans cette ville-là, hyper criminalisée, des fois, je ne m'endormais pas la nuit, puis j'allais me promener à 3 h du matin dans les ruelles. Puis, étrangement, c'est les gens que je croisais qui semblaient avoir peur. Mais là, dans ce bloc-là, c'est arrivé que j'ai appelé la police une fois pour un portefeuille que j'avais trouvé d'un policier, justement, qui appartenait à un policier. Puis dedans, il y avait une carte que c'était un expert en explosifs de la Sûreté du Québec, imaginez. Donc, j'ai appelé la police pour qu'ils viennent chercher le portefeuille. Ben, les policiers, là, quand j'allais regarder dans l'œil magique, là, ils se tenaient tout le temps en biais au cas où qu'il y a des coups de feu à travers la porte. C'est vous dire la réputation du bloc où j'étais. Puis ben franchement, si j'avais été mal intentionné, j'aurais mis l'arme en biais. Voyons, les chevrotines se seraient rendues. Hein? C'est donc bien ridicule. En plus, je n'ai pas d'arme, moi, là. Mais en plus, vous savez, j'ai même pas de. J'ai aucun dossier criminel. J'ai même jamais eu une contravention de toute ma vie. J'ai même jamais été interpellé. D'aucune façon, là. Les policiers ne disent même pas bonjour. Ah non, mais j'étais dans un endroit tellement criminalisé, là, c'était à peine croyable. Il n'y avait rien que des problèmes autour. J'ai passé des années là. C'est comme si je me sentais comme l'œil au milieu d'une tornade d'expérimental qui vibrait bas, là, mais tellement bas. Il n'y avait rien que des fous autour de moi, puis des gens qui avaient des problèmes ou qui étaient des criminels violents, là. Puis j'ai jamais eu peur de personne. Même quand je leur parlais, là, puis j'étais en crise, puis j'ai regardé, là, ça va faire, là, puis pourtant, je suis tout petit. Je comprends même pas comment j'ai fait pour vivre, là. Mais ça, c'est, j'avais eu tellement. Quand après que je me suis séparé, j'ai perdu ma maison, puis hein, j'ai même vécu, avant de vivre dans ce bloc-là, j'ai vécu dans une cave. C'était pas un sous-sol, c'était une cave avec des cloportes. Il y avait tellement de cloportes, vous croiriez pas ça. Ça n'a aucun sens. C'est à ce moment-là que je me suis mis à étudier les cloportes et que j'ai appris qu'il s'agissait de crustacés qui se nourrissaient de moisissures. Dans cet endroit-là où j'ai vécu, l'air était tellement vicié par la moisissure que je dormais avec mes couvertures, ma literie sur la tête pour filtrer l'air. En tout cas, aujourd'hui, je trouve ça drôle, mais bon.